Personne n'est censé l'avoir fait. Chacune doit avoir le droit. Il y a eu de la triche. Il y a eu des recherches approfondies. Le tribunal a regardé ailleurs. Le tribunal a regardé de plus près. C'est une honte. C'est encourageant. Qu'est-ce que tu racontes? Le public ne peut pas accepter cela comme ça. La Cour de justice européenne ne peut pas agir comme ça. De quoi tu parles? Une Cour de justice est là pour juger un litige selon la loi. Il ne s'agit pas de négocier. Oui, mais dans ce cas, on dirait du travail pas fait. On raconte. Bien, c'était en 2017, alors que beaucoup de personnes fuient la guerre en Syrie. Beaucoup sont arrivés en Europe, via la Turquie, sur les îles grecques. Oui, les canaux pneumatiques, les gilets de sauvetage, les camps. Exactement. L'Europe a ensuite négocié avec la Turquie. Et à l'hiver 2016, Un accord? Non, apparemment pas. Disons qu'ils ont expliqué publiquement comment ils comptent parvenir à... ensemble à réduire l'immigration illégale dans l'Union européenne via la Turquie en prenant en gros trois mesures. Premièrement, en s'attaquant aux racines du problème, à la guerre. Deuxièmement, en fournissant une assistance aux Syriens bénéficiant d'une protection internationale temporaire et en fournissant aussi une assistance aux communautés qui les accueillent en Turquie. Et troisièmement, en renforçant la coopération en matière de prévention des flux migratoires illégaux vers l'Union. Ça me semble assez abstrait. Hein. La troisième mesure signifie concrètement que tous les migrants qui arrivent sur une île grecque y sont retenus et enregistrés. Et s'ils désirent faire une demande d'asile, ils doivent obligatoirement la faire sur place à la Grèce. Après l'enregistrement et l'examen de la situation, si la demande est rejetée, la personne est renvoyée en Turquie aux frais de l'Union. Pour chaque personne en situation irrégulière réadmise en Turquie, l'Union européenne accueille une personne qui répond aux critères de vulnérabilité des Nations unies. Oh, quel va-et-vient! Et qui est à l'origine de ce plan? Tiens-toi bien, en fait, personne. C'est une blague? Pas tout à fait. Il y avait un réfugié afghan et sa famille qui ont dû quitter leur pays parce qu'il était persécuté par les talibans à cause de son emploi en lien avec les USA. La famille avait réussi à se rendre sur une île grecque. Il a été contraint de déposer sa demande d'asile en Grèce, alors qu'il voulait la déposer en Allemagne, car les manquements dans les procédures d'asile en Grèce étaient déjà connus depuis 2011. Alors qu'il attendait dans un camp que sa demande soit traitée et craignant d'être renvoyé en Turquie puis en Afghanistan, il a saisi le tribunal de l'Union pour faire annuler cette déclaration en tant qu'acte imputable au Conseil européen. Qu'est-ce que le Conseil européen ? C'est la réunion de tous les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Oh là là. Et ils ont fait cet accord avec la Turquie ? C'est la première chose que le Conseil européen conteste. Et la deuxième ? Qu'il n'y a pas eu d'accord du tout. Mais c'est manifestement faux. Le tribunal doit intervenir. Le tribunal de l'Union européenne a enregistré la plainte et en a examiné la recevabilité dans un premier temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le tribunal examine d'abord, dans le cadre de ses compétences, s'il peut prendre une décision sur le fond. Pour fonder son jugement, le tribunal a examiné ce sur quoi le requérant s'appuyait, dans ce cas, un communiqué de presse. Et sur cette base, le tribunal n'a pas pu s'assurer que le Conseil européen était bien l'auteur réel du prétendu accord. Mais qui a publié cette déclaration ? Un service de presse de l'administration européenne, qui utilise souvent des termes simplifiants, voire confond les différentes institutions, et dont les textes, au final, n'ont qu'une valeur juridique. Mais il y a bien une rencontre entre les chefs d'État de l'Union et de la Turquie. Oui, mais pas dans le cadre des réunions officielles du Conseil européen. Certains chefs d'État et des représentants du gouvernement turc ont eu une réunion extraordinaire qui, pour des raisons pragmatiques et de sécurité, s'est tenue le lendemain d'une réunion officielle du Conseil dans le bâtiment du Conseil européen à Bruxelles. Donc, le jour suivant, et d'un seul coup, hop, le Conseil n'était plus le Conseil ? Exactement, c'est un peu magique. Le tribunal a déduit du procès-verbal de la séance de travail que les hommes d'État s'étaient réunis au nom des différents États membres et que le président du Conseil européen n'était passé que parce qu'il avait initié le dialogue entre eux et la Turquie un an auparavant. Le Conseil n'a rien à voir dans cette affaire. Mais il y a bien cette déclaration. Il existe un plan d'action que les États membres ont accepté de mettre en œuvre en collaboration avec les autorités turques. Il n'existe pas d'accord international officiel tel que défini dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et alors ? Dans le cas d'un tel recours, la Cour de justice européenne n'est pas habilitée à se prononcer sur la légalité d'un accord international conclu par les États membres. Et alors ? La Cour rejette le recours. Elle ne peut rien en faire. C'est pas un peu léger ? L'affaire était bien sûr très politique. Le plaignant était aussi soutenu par des organisations comme Amnesty International. Et au fond, il s'agissait de remettre en question les négociations de l'Union européenne avec la Turquie. Cette affaire a peut-être révélé un peu plus le statut de la Cour elle-même. Elle n'est pas toute puissante. Elle doit être adoptée par les États membres et il s'agissait ici du Conseil européen, l'un des organes les plus puissants de l'Union européenne. La Cour de justice ne peut agir que pas à pas et sur des affaires beaucoup plus précises. Mais le fait qu'elle rejette la plainte quasiment sur des questions de forme donne l'impression qu'elle ne veut pas du tout examiner les faits, et donc la situation des personnes qui arrivent sur ces îles. Je peux comprendre la déception, comme si la Cour n'était qu'à moitié aveugle. Mais il y a eu d'autres cas qui montrent que l'état de droit vaut aussi pour les situations des migrants, et que l'Europe veille à ce qu'ils ne soient pas soumis à l'arbitraire des administrations. Par exemple, en 2022, il y a eu cette affaire de regroupement familial qui a assuré une base importante dans toute l'Union. Et ça s'est passé où ? En Allemagne. Un père syrien arrive en Allemagne en 2015. Il doit laisser sa fille mineure, dont la mère est décédée, à Istanbul. En avril 2016, il fait une demande d'asile auprès du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Un recours, et plus d'un an plus tard, en juillet 2017, le BAMF lui accorde l'asile et en septembre, il reçoit son titre de séjour temporaire. Lorsqu'il obtient l'asile, sa fille, désormais adulte, demande un visa aux fins de regroupement familial. Le consulat allemand à Istanbul rejette la demande. Elle était adulte lorsque son père a obtenu le titre de séjour et elle ne peut pas prouver qu'elle ne peut pas mener une vie sûre et autonome en Turquie. Le père saisit le tribunal administratif. Le tribunal donne raison au père en se basant sur un cas similaire et oblige la République fédérale d'Allemagne à accorder un visa à sa fille. Ah, donc le tribunal contredit le consulat. Oui, mais ça continue. La République fédérale d'Allemagne a fait appel de ce jugement devant l'instance supérieure, le Bundesverwaltungsgericht, c'est-à-dire le tribunal administratif fédéral, en estimant que la situation est différente que le cas que fait valoir le tribunal. C'est un peu dur pour la petite famille. Mais c'est le droit. De son côté, le Bundesverwaltungsgericht reconnaît que, selon le droit national, la fille n'a pas droit au visa. Mais il voit aussi une possible incompatibilité entre le droit national et la directive européenne. Et ça ne peut pas exister, car cela signifierait que les principes de sécurité juridique et d'égalité de traitement pourraient être violés, donc l'arbitraire. Et en quoi consisterait l'arbitraire ? Oh, c'est très simple au fond. Pour vérifier la compatibilité entre le droit allemand et la directive européenne, la Bundesverwaltungsgericht pose la question suivante à la Cour européenne de justice. Écoute bien. Un enfant doit-il être considéré comme mineur si le parent fait la demande d'asile tant que l'enfant est mineur, mais est déjà majeur avant que l'asile ne soit accordé et que le regroupement ne soit demandé ? Pourquoi c'est si important ? Tout d'abord, il faut mentionner l'objectif premier de la directive auquel tous les États membres de l'Union se sont engagés. Elle dit que le regroupement familial est une condition nécessaire pour qu'une vie de famille soit possible. Il contribue à la création d'une stabilité socioculturelle qui facilite l'intégration des ressortissants de pays tiers dans l'État membre, ce qui favorise également la cohésion économique et sociale, qui est un objectif fondamental de la communauté inscrit dans le traité. C'est l'objectif, et les États membres doivent tout mettre en œuvre pour le réaliser concrètement. D'accord ? Oui, ça fait sens. Maintenant, un parent dépose une demande d'asile au moment X en laissant un enfant mineur non accompagné quelque part. Le regroupement ne peut pas être demandé à ce moment-là puisque l'asile n'a pas encore été garanti, n'est-ce pas ? Ouais, d'accord. Ça n'a de sens qu'après que le statut de demandeur d'asile a été donné aux parents par l'autorité. D'accord ? Oui. Ça signifie que seule l'autorité peut influencer le délai entre la demande et la décision. Ah, et cette durée peut varier considérablement, ça on le sait. Exactement, puisque c'est l'administration qui détermine de la durée, elle peut agir de manière arbitraire ou se trouver sous l'influence d'autres facteurs qui ne devraient pas intervenir dans la procédure. Une pandémie, par exemple. Exactement. Et c'est pourquoi, afin de garantir l'égalité de traitement de tous les demandeurs, l'âge, c'est-à-dire la minorité constatée lors de la première demande d'asile, doit être l'âge pris en compte pour toute la procédure. Et donc, ça signifie que... La fille peut obtenir son visa et se rendre chez son père. Et après, elle doit vivre avec son père comme une mineure ? Oh, c'est drôle, c'est aussi ce que voulait savoir le tribunal administratif fédéral. Parce que le droit de séjour peut être retiré si, je cite, « il n'y a pas de liens conjugaux ou familiaux effectifs ou qu'il n'existe plus ». Et comment une telle chose peut être prouvée ? Qu'est-ce qu'a répondu la Cour de justice européenne ? Elle a une interprétation très claire à ce sujet. La simple relation juridique ne suffit pas, mais, je cite, « des visites occasionnelles, si elles sont possibles, et des contacts réguliers, quelle que soit leur nature, peuvent suffire pour supposer que ces personnes renouent des liens personnels et affectifs, et pour prouver l'existence de liens familiaux effectifs. » En outre, on ne peut pas non plus exiger que le parent et son enfant se soutiennent financièrement l'un l'autre. Ça paraît très raisonnable et étonnamment peu bureaucratique. Et c'est valable pour toute l'Europe.